Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous. Les portes du Blues Café sont ouvertes pour une heure en live et en public. Cédric, le leader de la formation qui se prépare, la jouine, en fait, n'est pas un inconnu du tout. Hein. En tout cas pour nous, on dit de lui que c'est un nomade, voyageant du blues au rock en passant par le folk et même sur les scènes du monde entier, de Paris à Memphis, de Lyon à Vancouver, mais toujours, toujours en passant par le Blues Café, qu'il a fréquenté d'ailleurs plusieurs fois en solo, en duo, en quartet et ce soir en quintette. Oui Francis, et comme à chaque fois, nous sommes très heureux de l'accueillir. Vécole Mirico, c'est son nom, est un ami cher du Blues Café puisque c'est au fond de son studio lyonnais Magneto qu'il fait le mixage de nos émissions. Et il est là ce soir avec son groupe The Escape pour présenter un nouvel album à venir avec un répertoire revu à la sauce Rico et une formule en quintette, comme tu l'as dit, avec Fabrice Lacroix à la batterie et au cœur. Vincent Girard à la basse. Estelle Mouge au clavier. Russell Stagman, guitare et chœur. Et Rico au chant et à la guitare. Ici ce soir avec vous. La prochaine chanson s'appelle Don't Let It Get You Down. Life can be tricky, it's a game of chance, one we all have to play. Just roll the dice and see where they fall. Lady luck might come your way. There are good times and hard times too, but don't pay no mind. Whatever it is, there's a bright side to it. The sun's just waiting to shine. If you're wrong sometimes, make mistakes sometimes, don't let it get you down. If you're mad sometimes, cause you're cool sometimes, don't let it get you down. So worry about the troubles until they're sick and feel they'll never get through. They can choose what happens in life, what if fate plans it all for you. If nothing goes right every time you try, it's time. You had it at it sometimes. Don't let it get you down. If you're a mess sometimes, screw up sometimes. Don't let it get you down. If you're mad sometimes, fall apart sometimes. Vecolmerico. Merci. And The Escape. Ils sont ce soir nos invités dans le Blues Café Live. Et ça nous fait bien plaisir de les retrouver ici. On va demander à Rico et à Russell, tiens, de venir. Bonsoir Rico. Bonsoir. On est très content de te revoir dans le Blues Café. Un Blues Café qui ne te quitte finalement jamais, puisque tu mixes nos émissions. Voilà. Tu es donc notre plus fidèle auditeur, tu n'as pas le choix. Exactement. Et tu sais un peu tout avant tout le monde du coup. Oui, exactement. En fait, c'est moi qui mixe les émissions à mon studio à Lyon. Et puis j'ai justement la chance d'avoir des primeurs et puis découvrir des pépites avant tout le monde. C'est cool. On aura l'occasion de parler de ton studio, justement. En tout cas, tu es le plus lyonnais des Québécois. Rappelle-nous d'ailleurs pourquoi tu t'es installé à Lyon, à la Croix-Rousse en plus, exactement, même si je crois que tu y habites plus, mais en tout cas, tu es ben, en fait, moi, j'étais musicien il y a une dizaine d'années. J'étais aussi producteur. J'avais un label au Québec dont je produisais des artistes. Je faisais des concerts, mais aussi je m'occupais de produire des albums pour d'autres artistes. Et puis, je travaillais avec une société qui est pas une société, pardon, une asso. Ici, c'est plus des assos. Donc, basé à Lyon, qui s'appelle C'est pas des manières. Et puis, on a commencé à échanger comme ça. Et un jour, il m'a invité à faire une tournée. Et puis, je suis venu un mois. Et après un mois, j'ai dit non, c'est bon. Tu es tombé amoureux de la ville et tu es resté. Ouais. Voilà. Alors, et le studio d'enregistrement, du coup, c'était déjà quelque chose que tu avais au Québec, que tu as voulu déménager et réinstaller ici, à Lyon. Ouais, ben c'est ça, au Québec, on faisait le label, mais on avait notre propre studio aussi. Donc, on avait nos locaux avec nos studios. Et puis, quand on a décidé de s'installer ici, quand j'ai décidé de m'installer ici avec ma famille, ben on a dit, bon, pourquoi pas ramener l'équipement et puis tout le matos, les micros. Et on s'est installé justement à Lyon. C'est important pour toi de garder justement ce regard de producteur aussi, de rencontrer d'autres artistes, de les enregistrer? Ben oui, parce que justement, pendant la pandémie, c'était, si j'avais pas eu ça, moi je suis un workaholic, j'aime travailler, ben parce que j'aime mon métier, la musique, j'ai besoin toujours de... Et puis, il y a des périodes où il y a moins de concerts, c'est normal, on ne peut pas en faire 300 par année. Donc, moi, j'aime bien, ça me permet de rester toujours dans la musique, même quand je ne fais pas de concerts. Donc, j'ai besoin de ça, oui. Alors, ce studio, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand on est dans ton studio, on a l'impression d'avoir franchi l'océan, parce qu'il y a un Néo-Zélandais, un Américain, un Québécois, je crois, c'est ça. Enfin, c'était un hasard ou... Tu avais envie aussi de varier un peu les histoires musicales et les profils? Mais je pense que c'est un hasard parce qu'en tant qu'immigré, je pense qu'on se rejoint. Parce que Russell, ben, qui est à côté de moi, il est nord-américain aussi, lui vient de la Nouvelle-Orléans. Mais il y a peut-être une culture musicale, puis dans l'humour aussi, il y a un truc. Fait que je sais pas, on s'est tout de suite entendu. Il y a peut-être quelque chose qu'on... Puis avec Jazz, lui, il est néo-zélandais, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait de pas être... d'ici, qu'on a un regard différent, je sais pas, sur la culture d'ici, je sais pas. Il y avait un célèbre chanteur qui chantait « Je suis Rital et je le reste ». Voilà. tu peux chanter « Je suis Québécois et je le reste », ouais, c'est ben, ça? Pas le choix. Hein. L'accent, il part pas. Hein. Après, il y a beaucoup de choses qui changent après 10 ans. Ça fait 8 ans que j'habite ici. Mais il y a plein de choses au niveau de la culture, au niveau de bon, le goût pour le vin. Mon goût a beaucoup évolué. Non, mais c'est vrai parce qu'au Québec, on a beaucoup moins de choix. Donc, tu sais, dans les différentes appellations, il y a beaucoup moins de choix. Souvent, tu as un vin par appellation, souvent à la Société des alcools chez nous. Donc, disons que mon goût s'est beaucoup raffiné. C'est une bonne chose. l'accent est pas parti. Oui, mais c'est tout le charme de ton accent. Russell, avec qui nous parlerons dans un instant, puisqu'il vient te rejoindre, c'est l'ingénieur du son, tu l'as dit, mais aussi un musicien complice, c'est une grande complicité musicale. Comment vous êtes rencontrés tous les deux, alors? Ben, en fait, tu avais été engagé par... Cédric Raymond, hein, ouais. Cédric Raymond qui nous a présenté. De Dame Production. Ouais. Qui est toujours mon gérant, donc il avait booké une date pour moi. C'était Russell qui était l'ingé son sur la date, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Russell, on dit de toi que tu es un peu l'homme incontournable des projets de Rico, c'est vrai ça? Je savais pas qu'on disait ça, mais... En tout cas, moi je le dis, je suis peut-être finalement le seul à le dire en fait. Mais... Avec 10 ans d'histoire, j'ai envie de dire que ça commence à être vrai. C'est vrai que je le suis pas mal de partout, avec le sourire et le bon esprit, enfin c'est... En tout cas, on a remarqué que si Rico n'avait pas perdu son accent, toi, par contre, tu l'as complètement perdu. Hein. Ah, bah, c'est gentil. Je fais encore plein de choses. Enfin, genre, il y a des petites rechutes de temps en temps. Faites-moi assez parler, vous allez voir. Bon, tu joues d'ailleurs, Russell, toi-même. Hein, t'es musicien, on l'a dit. Et tu as joué avec ton propre groupe aussi. Dans quel répertoire? Ouf. Moi, j'ai commencé dans l'expérimental, improvisation totale. Et décidément, c'est pas très rentable. C'est pour ça que ça fait des belles expérimentales, d'ailleurs. Oui. Et après, du coup, je m'intéressais beaucoup à la technique de son également, qui m'a mis en contact avec Rico, avec Cédric, son gérant, qui m'a pas mal fait travailler aussi. Au final, de trouver le temps d'avoir des projets musicaux tout en faisant de la prod à côté, bah, finalement, je trouve plus ou moins mon bonheur, en fait. Parce que je pense que n'importe quel ingé son, il faut qu'il soit musicien. De faire que un ou que l'autre, je serais pas heureux, en fait. Donc, et est-ce qu'un bon musicien doit être aussi ingénieur du son? De nos jours, j'ai l'impression. C'est quand même, c'est des outils en plus. Hein. Sinon, il faut savoir en payer. Quelques mots sur l'expérience justement au studio Magneto, la collaboration avec Rico, ça a l'air plutôt chouette. On vous voit travailler tous les deux. Oui, c'est vrai. On commence à bien se connaître au fur et à mesure des années, mais c'est vrai que c'était mon premier vrai job en studio quand j'ai commencé. Donc, il y a eu le temps d'apprendre plein de choses et d'expérimenter. Et je pense qu'au fur et à mesure des projets, en fait, on a vraiment trouvé une certaine façon de bosser ensemble. Mais ce que personnellement j'adore, c'est de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est focalisé sur la production, en fait. Ça libère beaucoup la part technique de l'affaire. Et je pense que pour tous les projets, ça aide à avoir une meilleure vision, en fait. Parce que quand je fais de l'autoprod, typiquement, en fait, c'est compliqué d'avoir une bonne écoute sur tous les prises, qu'on est aussi inquiet sur les qualités du son et tout le reste. Donc, et ça, c'est Rico qui a voulu bosser comme ça, et j'ai eu le privilège de le rejoindre. Tu parles son, parlons disque aussi. Rico, bon, oui. T'as une discographie quand même qui commence à devenir importante. Si je me trompe pas, j'ai noté, hein, t'as sorti 4 disques studio, ouais. C'est ça? Je me trompe pas. Si l'on excepte peut-être ceux du groupe Madcaps, ouais. Hein, tous sont one man band, oui. Sauf le dernier, Sweet Exile, en formation avec le groupe Escape. C'est ça? Non, oui. On se trompe pas? C'est oui, bien exactement, ça? Exactement, c'est bien ça. Mais sur les premiers albums, il y avait quand même des guests. Hein, il y avait Charlie qui venait jouer. Il y avait des Charlie Glad au violon, ouais, qu'on avait reçu ici avec toi d'ailleurs. Ouais. Mais c'était une esthétique beaucoup plus live, en fait. C'était souvent, c'est comme si on faisait des concerts, mais en studio, on enregistrait live, puis après ça, on écoutait, on gardait les meilleures prises. Puis le dernier album est un petit peu plus léché. Ben, je sais pas, c'est l'écriture qui m'a amené à ça. On dirait que les chansons, moi je suis les chansons, en fait. Je me dis pas, je vais faire un truc plus roots ou plus blues, ou à un moment donné, je commence à composer, puis je verrai des chœurs là-dessus, je verrai des cordes, je suis l'inspiration. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, l'album qui va sortir. En fait, c'est ça, c'est j'essaie de suivre suivre ce qui vient, en fait. Alors l'album Sweet Exile est sorti en 2018. Là, l'album que tu nous présentes, oui. Ce soir, et on te remercie d'ailleurs de nous en réserver la primeur aussi au public du Blues Café, sortira en 2023. Il y a 5 ans d'intervalle entre ces deux albums. Pourquoi cette sortie aussi tardive? Est-ce que il y a peut-être un petit effet Covid, ou est-ce que c'est peut-être aussi ton envie, après 4 albums, de prendre le temps de te poser et puis de faire les choses un peu à ton rythme, à ton tempo? Il y a plusieurs choses, en fait. C'est sûr que l'album, j'ai commencé au début du Covid, en fait, en faisant donc des démos chez moi. Puis il y a des trucs qui vont se retrouver sur l'album, des trucs dès le premier jour chez moi, j'ai gardé plein de trucs. Et puis on dirait que dès le début, je savais que ça allait être un album peut-être un peu plus léché, travaillé. Pendant toute la période du Covid avec Russell, vu qu'on avait moins de boulot à cause évidemment de la pandémie, on s'est mis à faire des prods vraiment à l'américaine, de passer vraiment beaucoup de temps à chercher les sons. Puis on s'est beaucoup amusé à faire ça, donc ça a pris du temps. Puis aussi le côté peut-être moins sympa, c'est que j'ai perdu mes deux parents donc dans le pendant toute la période du COVID. Donc ça, c'est sûr que les allers-retours au Québec, c'est les priorités, c'est de m'occuper de ma famille. Et donc ça a retardé évidemment là, tout le processus. On a parlé à l'instant du groupe Escape. Alors, on a aussi parlé dans ce groupe qui a eu Charlie Glad, violoniste absolument incroyable, qui vient du classique, mais qui est complètement délirant sur scène aussi. Il y avait déjà Russell, hein, il me semble. Ouais, j'étais sur la technique. T'étais sur la technique. Mais il y a maintenant de nouveaux musiciens, donc sa géométrie est variable. Tu peux nous les présenter? Ben oui, à la batterie, il y a Fabrice qui joue avec moi depuis quoi, 3-4 ans, je ne sais plus. Mais bon, qui est un excellent batteur. En fait, c'est Russell qui me l'a présenté. Le meilleur. Il s'est pris du temps avant de constituer l'équipe parce que c'est important qu'on s'entende bien. T'sais, moi, si après les concerts, on se prend la tête ou le courant passe pas, c'est, j'aime mieux pas jouer avec ces gens-là, donc avec Fabrice. Ça va vraiment bien avec tout le monde. Il y a Russell qui est là depuis longtemps. À la basse, il y a Vincent aussi avec qui joue avec moi. Il remplaçait Jean qui était l'ancien bassiste. Donc, c'est une équipe qui s'est constituée tranquillement. Je te dirais que j'ai regardé les gens jouer. Je suis allé voir un peu sur Internet. J'ai posé des questions. J'ai pris mon temps, disons, avant de contacter les gens. Puis, ils ont tous répondu oui. Il y a Estelle aussi au clavier qui, elle, est toute nouvelle. Il y a Sacha qui joue aussi avec nous. Puis, il y a Estelle qui est là ce soir avec nous. Donc, ouais, c'est une belle équipe, puis on s'entend bien. L'album s'appelle Wheel of Love. Oui. C'est un titre aussi de l'album que tu vas jouer ce soir. Oui. Un mot sur le titre de cet album? Ben, Wheel of Love, c'est que c'est un album qui parle des relations amoureuses, donc tous les gens qui sont en couple depuis longtemps savent que c'est une roue qui tourne. Tu veux dire quoi? Ben, il y a des pics, il y a des moments qui vont, ça va très bien, ça va moins bien, oups, ça va... Si dans une roue, il y a des pics, c'est pas bien, hein? Ça roule non, plus. Non, pas des pics, mais des pics, nous, des sommets. On a compris. Donc, c'est un peu ça le concept de l'album, c'est ça le... Moi, je parle beaucoup des relations amoureuses dans mes textes, c'est beaucoup ça qui me... Moi, je suis pas très politique ou quoi que ce soit. Moi, c'est toujours ça, les relations homme-femme, ben, dans mon cas. Je parle beaucoup de ça. Ça m'intéresse beaucoup. Mais ça se passe bien chez toi. Oui, là, bon. Ça se passe bien. En ce moment, de la roue. Rico, on va te retrouver sur la scène. Avant, on va écouter un titre d'un artiste qu'on aime bien. À chaque fois, dans cette émission, on aime bien aller chercher dans l'actualité des sorties blues, des artistes qui peuvent coller avec nos invités. J'ai choisi Son of Dave. Je ne sais pas si tu connais cet artiste. Non, pas du tout. Incroyable. C'est un artiste belge qui joue de l'harmonica. Ceux qui ont vécu les années 90 s'en souviennent. Le groupe Crash Test Dummies, c'était un des guitaristes et harmonicistes de ce groupe. C'est un gars qui est complètement déjanté. On adore ça. L'album s'appelle Call Me King et je pense que vous allez aimer Son of Dave. Et juste après, on retrouve They Call Me Rico and The Escape sur la scène du Blues Café. Merci. And when we're gone, we pass it on to another. southern sun. Make me feel like a king. Nous sommes de retour ici en direct du Millennium à l'île d'Abo avec sur la scène They Call Me Rico and The Escape. Taper des mains, ça s'appelle tout simplement When the Rain Comes, quand la pluie vient, en fait, ça part de tout ce qui s'est passé les dernières années, donc tous les désagréments qu'on a eu, c'est heureusement terminé. When the Rain Comes. Heartache is all I see. People stuck out on the street, on their knees. There's no room for any more misery. the same song, but they won't be the same for everyone. Time to choose who when we come. When we come. When the rain comes, you will find the sun is far behind. Sometimes life puts us to the test. Stay strong and shine. Just give in, they pack a punch out before it even begins. But if you never lose, what does it mean to win? What does it mean to win? When the rain comes, you will find the sun is far behind. Sometimes life will dust to the chills. Follow the light and shine. Run, I hope you'll find the dreams you've left behind. Sometimes life puts us to the test. Stay strong and shine. Shine. If life laughs at you, don't be a fool. Get up if you fall. You can't change it all. What's done is done. A change will come. Don't look behind. If you lost your faith, don't turn to hate. You can't change it all, even if you fall. Turn it all around, don't get so down. Be the one who finds a reason to shine. We're living each and every day. Are these teenage dreams slipping away? Just another turn around this winding maze. What were we thinking? What the hell did we do to drive the sun away and make it all so blue? Will all these tears we cry help us get through? Help us get through. When the rain comes, you will find. The Call Miracle and The Escape. Ils sont ce soir dans le Blues Café Live. Rico, revenons à l'album, justement, Wheel of Loves. La plupart des paroles et des chansons sont écrites par toi, mais sur certaines, on retrouve la signature de Joshua Parlette. Oui. Joshua Parlette qui avait déjà, d'ailleurs, contribué à l'album précédent, Sweet Exile. Oui. Et qu'est-ce que c'est que cette collaboration avec ce compositeur qui a aussi, il faut le dire, je crois, participé à plusieurs albums de Steve Hill. Oui. C'est ça? Oui, ben en fait, c'est un mec que j'ai rencontré quand j'avais peut-être 23 ans. Et puis, qui c'est un chanteur de blues aussi. Il jouait dans un groupe qui s'appelait Bishop et Massey au Québec. Et puis, c'est un groupe quand même qui est assez connu dans le milieu du blues à cette époque-là. Et puis, j'ai toujours trouvé qu'il écrivait bien, qu'il avait un style authentique, qu'en plus, c'est un anglophone, donc il écrit avec moi, on co-écrit, puis il faut aussi un travail d'édition. Moi, souvent, j'y écris et j'envoie un texte, puis souvent, il va me dire « Ah, ça, c'est bien, ça, c'est moins bien, ça, peut-être, essaie de le dire comme ça », donc on travaille beaucoup comme ça ensemble. Alors, on a eu le privilège de l'écouter, cet album « Wheel of Love », et ce qui nous a frappé immédiatement, c'est le côté assez nouveau, moderne du son, assez différent de celui de tes précédents disques. Oui. On s'est dit que tu avais eu envie d'explorer des sons nouveaux, de te lâcher un petit peu sur ce disque. Ben, en fait, l'idée, c'est de se renouveler. En fait, moi, j'ai toujours admiré David Bowie pour ça. Moi, je me souviens, jeune, je l'écoutais, puis je trouvais ça génial parce que il a toujours changé d'un album à un autre. Son premier album, il est presque folk. Après, il est allé vers le rock. Après ça, vers un truc un peu plus funk, un peu plus glam. Après ça, dans les années 90, il a travaillé avec Trent Reznor de Nine Inch Nails pour faire un truc un peu drum and bass électro. Donc, il s'est jamais renouvelé. Puis moi, je me suis toujours dit, entre guillemets, à mon humble façon de... que c'est un exemple à suivre. En fait, quelqu'un dans sa démarche, je me suis toujours dit, ce mec-là est très courageux de faire ça. En fait. Mais si ça peut te rassurer, hein, Cédric, David Bowie nous disait récemment qu'il était aussi très intéressé par le travail que tu faisais. Ouais. Dans les exemples à suivre, on te sait très inspiré par des artistes comme The Black Keys ou Jack White, dont tu avais fait la première partie aux Nuits de Fourvière. Ils ont tous les deux la particularité d'avoir aussi leur propre studio. Nous croyons d'ailleurs savoir que tu vas faire un stage avec un certain Chad Blake qui mixe les Black Keys, Tom Waits, Sheryl Crow, Elvis Costello et j'en passe tellement la liste est longue. Oui. C'est vrai cette histoire? Est-ce que tu peux raconter ça? En fait, dans le sud de la France, il y a un stage à Saint-Rémy-de-Provence, en fait. Et puis moi, je me suis inscrit et puis j'ai été choisi pour justement y assister donc pendant une semaine. Puis bon, c'est vraiment un maître de l'enregistrement et du mixage surtout. Puis c'est un mec qui a peut-être... qui a 60, 100, 65, 70, mais qui est très jeune dans son esprit de mec, qui est très, très, comment dire, même visionnaire. T'sais, c'est un mec qui a réinventé un peu le mix il y a une dizaine d'années, qui a vraiment une touche facilement reconnaissable. Donc, ça va être vraiment génial de passer du temps avec ce gars-là. Tu sais, on peut avoir 70 ans et être toujours très jeune dans sa tête, n'est-ce pas, Francis? Cyril. Oui, c'est un modèle pour toi, ces artistes. Des fois, j'aurais presque envie de dire que t'es un peu le Dan Auerbach à la française, non? Ben, wow. Ça me touche vraiment, mais je suis inspiré par ces gars-là parce qu'ils touchent un peu, pas juste à la musique, ils touchent aussi à la production. Puis aussi, ben moi j'avais mon label avant tout ça, donc j'aime bien toucher un peu à différents aspects du métier et pas juste, disons, faire de la musique. J'aime bien être maître de mes trucs, si on peut dire. Mais vous avez quand même ce point commun, c'est d'aller à chaque fois chercher de la modernité tout en ayant une approche du son qui peut être aussi parfois un peu vintage. Ben, aller chercher la chaleur justement avec les équipements analogiques et puis les machines à bande et tout ça. Tu sais, moi, je suis fan de ça pour aller chercher le gras, si on peut dire, dans le son, là, ben, le bacon. Alors revenons à ton album, si tu veux bien. Tu nous disais aussi, hors antenne, que sur l'album, tu jouais tous les instruments. Oui. Mais sur scène, il y a les escapes. Oui. On a du mal un peu à comprendre. Il va falloir que tu nous expliques un peu tout ça. C'est parce que ça a commencé comme ça. Je l'ai commencé durant la pandémie. Donc, j'étais seul. Fait que j'avais une basse. J'ai dit, bon, je vais faire la ligne de basse. Après ça, j'ai commencé la batterie, la basse. Bon, après, je vais faire la guitare. Bon, un peu d'harmonica. Après ça, je chante. Finalement, je suis resté pris, entre guillemets, avec quelque chose que j'aimais bien. Donc, je me suis dit, bon, il y a un esprit là-dedans, même si, bon, je suis pas le meilleur batteur ou le meilleur, bassiste, il y avait un truc là-dedans que je voulais garder, donc live évidemment je peux pas le faire, puis c'est toujours plus agréable de jouer avec d'autres gens. Moi j'adore, je joue toujours seul, mais c'est sûr que quand on peut partager les moments musicaux avec d'autres gens, c'est cool. Mais l'album, en fait, c'est que ça a été fait un peu comme ça. J'ai commencé, puis j'étais seul au studio, puis je l'ai bâti comme ça, brique par brique. Vincent Girard, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Tu es nouveau dans cette aventure d'Escape? Je suis nouveau, ouais. Je suis assez récent. Ouais. Je suis pas le dernier, mais je suis l'avant-dernier, ouais, je crois. C'est ça. Ouais. Alors, comment tu vis cette aventure, cette sortie d'album, quasiment le premier concert ce soir? Eh ben, bien. Je vis ça plutôt bien. Écoute, on a réussi à faire quelques concerts l'été dernier. Ouais. Une tournée internationale de 2 concerts. Mmh. Ouais. Durant la semaine où on pouvait faire des concerts, Une tournée nationale de 2 concerts. Et là, on recommence à faire un petit peu des concerts et puis justement à s'approprier le matériel que Fred nous propose. C'est lui qui a fait tous les instruments sur son album, mais il est pas sectaire et arrêté sur une idée. Donc nous, on peut aussi s'approprier le matos qu'il nous a proposé, en fait. T'as une belle histoire aussi, Vincent, puisque tu as joué pendant une dizaine d'années avec un groupe que nous avons reçu lors de la blues party en partenariat avec les abattoirs, les Butt Shakers. C'était un excellent souvenir, d'ailleurs. Un excellent souvenir, hein, ce concert. Donc tu as joué 10 ans avec eux, comment ça s'était? Ouais, presque 11 ans, ouais. C'est une aventure qui a commencé sans moi, même sans Ciara à la base, en fait. Moi, j'ai rejoint le groupe pour la tournée du premier album. J'avais fait passer des auditions Le groupe a splitté après cette première tournée et on a rebâti tout le groupe sur les cendres de ce premier line-up, Sierra et moi, et ça a duré presque 11 ans. Tu joues aussi avec un David Suissa? Je joue avec David Suissa, ouais. Joues toujours, hein. Ouais, c'est un vieux compère. On connaît dedans, et tu joues de la contrebasse avec Célia Forestier. Alors là, je connais un peu moins. C'est d'autres univers, ça? Ouais, moi je fais beaucoup de contrebasse, je fais beaucoup de jazz et de musique improvisée. Avec David Suissa, on voyage beaucoup, lui et moi, et chacun de son côté, on va beaucoup jouer dans l'océan Indien aussi. On est passionné des rythmiques ternaires de l'océan Indien, du Maloya, de toutes ces musiques. Mais je joue avec aussi lui et plein d'autres gens. Vous avez peut-être reçu Atman Session. Est-ce que vous avez déjà? Ah oui, bien sûr. Nasser, c'est un de mes plus vieux potes. Avec Nasser Ben Nadou. Énormément joué ensemble, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet Wheel of Love, dans le projet de Rico and the Escape? Qu'est-ce qui m'a attiré? La musique, ça m'attire toujours. En tant que jeune quarantenaire et en étant bien installé dans ce métier maintenant depuis une vingtaine d'années, avoir côtoyé tous les univers, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'humain aussi. C'est-à-dire que si la musique est bien, c'est super. Si l'humain, est pas terrible, la musique m'intéresse vachement moins. Et je crois que Rico en a parlé juste avant, en fait. Il faut être bien avec les gens avec qui on joue. Moi, je fais beaucoup de musique improvisée. Ça me fait du bien de jouer de la musique pas improvisée. C'est une autre énergie. C'est quelque chose que je fais aussi. Et puis, ça fait du bien de passer du temps avec des gens qu'on aime, en fait. Rico, justement, deux autres titres de cet album maintenant. Quels seront-ils? Donc, il va y avoir Sorry If I Kept You Waiting. Donc, ça parle un peu encore de relations amoureuses. Quand on est parti en tournée, et puis il y en a un qui reste à la maison. Parfois, c'est plus difficile, donc... Ça a donné cette chanson-là. Et puis l'autre chanson, c'est la chanson-titre de l'album Wheel of Love. Un album donc qui, tu nous le rappelles, ne sortira qu'au début 2023. En février, mais je pense que l'attente en vaut la peine. Enfin, je dis pas ça de façon prétentieuse, mais j'ai vraiment tout mis là-dedans. Donc j'espère que les gens vont l'apprécier. En tout cas, on confirme que cet album est excellent. On a eu le privilège de l'écouter, d'en découvrir quelques extraits, puisque tout n'est pas encore totalement finalisé, mais on a hâte que ça sorte et que vous puissiez également le découvrir. Wheel of Love, ça sortira en 2023 et c'est tout de suite sur la scène du Blues Café Live. Merci beaucoup, Rico. Merci. Tu reviens merci quand tu vous. Veux. Ben tu connais l'adresse. À très bientôt. Merci. Merci. Sur la scène du Blues Café, nous retrouvons Fabrice Lacroix, la batterie au cœur. Vincent Girard à la basse. Il y a Estelle Mouge au clavier. Russell Stageman à la guitare et au chœur. Rico au chant et à la guitare. Et ça s'appelle They Call Me Rico and the Escape. So cold, but I won't cry. I feel so scared, still I won't hide. When did this mind stop dreaming? When did this heart stop beating? If I was stronger, I would cry. If I was wiser, I would lie. Sorry if I've kept you waiting. This wooden heart was bleeding. I wasn't there when you needed me. I was out there running free, looking for something I couldn't find. Dancing over landmines, straight too far from home. Didn't mean to leave you alone. Sorry if I kept you waiting. This wooden heart was bleeding. Something got lost along the way. Exactly what I just can't say. I'm getting old but not wise. Each day further from paradise. All these feelings I can't fake. All this love I just can't take. Sorry if I've kept you waiting. This wooden heart was bleeding. And now the wheel's turning. And I'm running after you. The thrill of love is fading. I'm running out of blues. The high tide is rising. I'm sinking in these blues. Just another aimless fool. rising. I'm sinking in these blues. Just you're not an endless fool. Without you, I feel so cold, but I won't cry. I feel so scared, still I won't hide. When it is hard, stop dreaming. When it is hard, stop beating. If I was stronger, I would cry. If I was wiser, I would lie. Sorry if I get you waiting. This wounded heart was bleeding. If you could get past my disguise, maybe we both could find a way out of this mess, out of this place. A peaceful rest, return to grace. See the night turn into a brand new day. Can't you see before this world gets the best of us? Must reveal our fate and trust. Broke out strangers trapped in a cage. Couldn't surrender and turn the page. Rabbit rides and taking over town. Yeah! Wish I could help you through these hard times, but I feel lost most of the time. Strange lovers on the way, what dreams? Can't you see before this world gets the best of us? You and me must rebuild our fate and trust. Can't you see before this world gets the best of us? You and me must rebuild our fate and trust. Goes round and round. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. could see the world through your eyes. If we could get past my disguise, maybe we both could find a way out of this mess, out of this place. A peaceful rest, return to grace. See the night turn into a brand new day. Before this world gets the best of us, you and me must rebuild our faith and trust. Can't you see before this world gets the best of us, you and me must rebuild our faith and trust. Come on. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. Down is up, up is down. The wheel of love goes round and round. Le meilleur de la blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'est toujours un plaisir de le recevoir. They Call Me Rico était ce soir notre invité sur la scène du Blues Café Live avec Russell Stageman, Estelle Mouge, Vincent Girard et Fabrice Lacroix. Vous pouvez les applaudir encore bien plus fort. Nous sommes bien dans le Blues Café. Blues Café que vous pouvez retrouver sur notre site www.bluesactu.com, sur notre page Facebook Le Blues Café et sur tous les... toutes les plateformes partout, de musique, il y en a partout. Ça, et dans le monde entier. On remercie bien sûr le studio Magneto. Ce soir, on est obligé de le faire parce qu'il est là et qu'il nous regarde. Puisque Rico mixe aussi, on vous l'a dit, nos émissions. Merci à François Rosenciel et merci encore une fois à toute l'équipe du Millennium de l'île d'Abo. C'est toujours un plaisir de venir ici. On vous laisse la scène. Et merci au public bien aimé. La dernière chanson qui s'appelle Lonely Bee. I'm a lonely bee, looking for some honey. Buzz a while with me, our days forever will be sunny. Forever will be sunny. The way you love me, it fits me like a glove. I'm just a happy junkie, blessed by the Lord above. Blessed by the Lord above. Blessed by the Lord above. what I want, and I'll be forever yours. I'll keep you safe and sound. You'll never be ignored. You'll never be alone. I like the way you sting me. It numbs me like a drug. I'm just a happy junkie. So strung out on your love. So strung out on your love, baby. Des CD, des vinyles, mais surtout des flasques.